L'huître et les plaideurs. Fable 9 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'huître et les plaideurs. Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Ils l'avalent des yeux, du doigt ils se la montrent. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie. L'autre le pousse et dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur. L'autre le verra faire. » « Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. » « Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. » « Eh bien, vous l'avez vu, et moi, je l'ai senti. » Pendant tout ce bel incident, Perrin d'Andin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge, nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président, « Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille, s'en dépend, et qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. » Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui. Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent en lui, et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles. Fin de L'huître et les plaideurs. Fable 9 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.